Sans moi, de Marie Desplechin. Adaptation, Catel Guillot. Sur les conseils de plusieurs de mes amis, j'avais engagé Olivia pour s'occuper de mes enfants, Suzanne et Gaspard. Olivia s'était installée dans la chambre de Bonne, située juste au-dessus de l'appartement. Elle avait commencé à décrocher de la drogue. Mais ses anciennes relations continuaient de la harceler jusque dans le hall de l'immeuble. Avec la complicité de Madame Alvez, la concierge, je m'efforçais tant bien que mal de la protéger. Madame Alvez accepta même avec entrain de dissuader les chasseurs d'Olivia. Troisième épisode. Ces voyous. J'avais évoqué à grands coups d'ellipse et de demi-vérité la nécessité de la préserver d'elle-même et de son passé proche. Madame Alvez avait acquiescé gravement. Nous étions bien pareils, elle et moi. Trop contentes de nous voir assigner des missions simples, trop contentes de nous mêler de la vie d'autrui. Si accessible quand on la mesure aux reliefs incertains de sa propre existence. Bonjour, elle est là, Olivia ? Non, Mademoiselle Bernier n'habite plus ici. Je suis désolée, monsieur. Il fut assez aisé de nous débarrasser des pirates qui hantaient la coursive de l'étage de service. Ils ont dû se passer le mot. En quelques jours, l'affaire était réglée. Ils étaient tous allés se faire pendre ailleurs. Tous, sauf un. J'ai trouvé un mot de Sydney tout à l'heure. Nous en étions à une semaine de réclusion. Il a glissé sous la porte de ma chambre. Et qu'est-ce que tu faisais là-haut, toi ? J'allais chercher des fringues. Bon. De toute la compagnie des brigands, Sydney, à ce que j'avais compris, était le pire. Le sournois, le cruel, le méchant en chef. Comble de traîtrise, Sydney n'était qu'un nom de guerre derrière lequel se cachait un quelconque Kevin Dupont. Mais pour des raisons qui me restaient obscures, il terrifiait Olivia. Bon, si t'as besoin de fringues, t'as qu'à taper dans les miennes. Tu remonteras chez toi quand on en aura terminé avec ce type. Ok ? Le soir même, aux alentours de 9h, on sonna à la porte. Olivia fixait des yeux la porte comme si elle pouvait voir au travers. Elle s'est mise à sautiller à travers la salle à manger comme une grenouille décérébrée. Emmène les enfants dans la chambre, Olivia. Qu'est-ce qui se passe ? Emmène les enfants. C'est qui la connaît ? Je ne veux pas dormir. Quand ils se furent réfugiés tous les trois au fond de l'appartement, je me suis passé une main dans les cheveux et j'ai ouvert la porte. Bonjour, je viens pour Olivia. C'était un petit homme grassouillet. Le menton à demi barbu, le sourire amène, le regard fielleux. Olivia n'habite plus dans cet immeuble. Le dit Sydney m'a regardé un instant, silencieux et souriant. Son insolence avait quelque chose d'effrayant. J'ai senti que les craintes d'Olivia, quelles qu'elles fussent, étaient fondées. J'ai besoin de la voir. Mais moi, je m'en fous. Je vous dis qu'elle n'est pas là, alors vous allez partir gentiment et ne plus jamais remettre les pieds ici, c'est compris ? Au revoir. Quand vous la verrez, vous pourrez lui dire que Sydney est passé, qu'il la cherche. Je dirai rien du tout, foutez-moi le camp. C'était qui ? Il avait un pistolet ? Et alors ? Il a dit quoi ? T'en fais pas, c'est réglé, c'est bon. Voilà, mais t'es sûre ? Mais oui, oui, oui. Oh là là ! Un pyjama, là, c'est bon. Oh non ! Olivia a tourné sur elle-même. Comme elle n'avait aucune issue, elle s'est enfermée dans la seule pièce dotée d'un verrou, les chiottes. Gaspard et Suzanne se sont précipités derrière. Je devais faire de gros efforts pour ne pas éclater de rire. J'ai attrapé mon téléphone portable sur la commode et je suis retournée à la porte. Excusez-moi madame, mais je crois qu'Olivier habite toujours ici. Très bien. Alors, vous croyez ce que vous voulez, mais moi je vais vous dire une chose. Si je vous vois encore une fois rôder dans le coin... Si vous avez encore une fois le front de venir sonner à ma porte, je fonce chez les flics. D'accord ? On trouvera sûrement quelque chose pour vous habiller. Et puis si vous restez sur mon paillasson encore 10 secondes, je vous tire le portrait. J'ai brandi mon téléphone. J'étais ridicule. Il était troublé. Il m'a regardé un instant avec perplexité et il a tourné les talons. Ça s'en sortira pas comme ça, je reviendrai. Ouais, bah ça, je vous le conseille pas. Rita, la rigolade des filles. Allez, vous sortez là maintenant, c'est bon. Mais t'es sûr qu'il est vraiment oui. Allez. Allez au dodo tout le monde là, sinon on va jamais s'en sortir. J'ai couru. Ouais, c'est ça. La visite de Sydney fut le dernier épisode de la traque réelle ou supposée d'Olivia. Il se passait encore 2 jours avant qu'elle regagne sa chambre. J'ai continué pendant quelques temps à observer la consigne des rebuffades téléphoniques, puis les appels se sont raréfiés et ont fini par cesser, eux aussi. Quelques semaines plus tard, Olivia m'a dit : Tiens, en fait, Sydney, ça y est, elle est tombée. Il est en tôle et pour un mauvais temps, je pense. C'est bien fait qu'il reste. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Mais je peux pas dire que je suis contente. Enfin, en même temps, si, je suis contente. Mais, ouais, c'est vrai que je suis plus tranquille comme ça. Comment tu l'as appris ? J'ai rencontré un mec hier dans la rue. Tu sais qu'ils ont ouvert un studio d'enregistrement en bas, là, près de la boulangerie sur l'avenue. C'est drôle, non ? Moyen. Je trouve ça moyen drôle, moi. T'inquiète, je ne fais plus partie de la bande. Ils m'appelleront pas. Je n'ai pas insisté. J'ai préféré la croire. Je me suis dit que si elle n'avait plus peur, c'est qu'elle n'avait plus de raison d'avoir peur. Il y avait des hauts, il y avait des bas, mais il n'y avait plus de cataclysme. Les bonheurs et les aléas, les mensonges et les vérités, tout passait aisément dans le filtre soyeux du quotidien. Dans l'ensemble, les choses allaient mieux. Si elle n'avait pas encore maigri, Olivia avait cessé de grossir. Mais je surveillais d'un œil sa consommation de psychotropes. J'avais remarqué des symptômes. Tu fais gaffe aux médicaments quand même. Ouais, t'inquiète, je connais la chanson. Elle s'endormait sans raison, à des heures incohérentes, n'importe où dans l'appartement. Elle ressemblait alors à un petit morse assommé sur un coin de canapé. Suzanne et Gaspard respectaient son sommeil, ils jouaient à proximité, semblant la veiller. Mais qu'elle la connaisse ou non n'y changeait rien. Je n'aimais pas cette chanson. J'ai rien contre les médicaments, tu sais. Moi non plus. Quand on en a besoin, bien sûr. Hein. Je pense que t'en as besoin en ce moment. Ouais. Elle me regardait avec curiosité, à peine inquiète. Le stablon, tu connais le stablon ? Comme ça. C'est une belle saloperie. Ah bon ? Au début, ça aide à dormir, mais ensuite, ça rend fou. Fou ? Fou comment ? Parano. Je crois que quelqu'un qui garde des enfants devrait pas en prendre. À cause des risques. Mais... Tu crois vraiment que ça craint pour les enfants ? Vraiment, ouais. T'as qu'à te renseigner. Ouais, mais si quelqu'un est très angoissé, qui n'arrive pas à dormir et qui veut prendre un médicament pour se reposer, s'il n'a pas ce tablon, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, si quelqu'un demande à son médecin de lui prescrire un calmant moins toxique. Ah. Si jamais t'en avais besoin, enfin la jonction, on sait jamais, hein. J'ai du Lexomil, moi, dans l'armoire de la salle de bain, dernière étagère. T'as qu'à te servir. La discussion s'est arrêtée là. Les sommeils diurnes aussi. Le stablon n'était peut-être pas en cause, mais quelque chose se modifia en Olivia. Je ne sais trop quoi, qu'importe. La boîte de Lexomil prit une claque. Ce fut l'indice matériel du changement. Le soir, il m'attendait sagement pour dîner. Maintenant que nous vivions avec Olivia, je n'avais plus à me hâter au milieu de l'après-midi, à écourter mes rendez-vous de travail. J'étais confiante. Mes journées étaient plus longues et mon temps plus serein. Je n'interrompais mon travail que pour être de retour à 7 heures. Souvent, je m'arrêtais en chemin pour faire des courses. Du riz au lait, super. Allez, direct au frigo et coco. Je la regardais ranger les courses avec cette bonne humeur étrange qu'elle avait dans les activités les plus triviales. Mon Dieu, me disais-je intérieurement, qu'elle est grosse. Mais comment fait-elle pour grossir aussi vite ? Mais t'as pas repris de Danette ? Ah ben non. Je savais qu'elle était boulimique. Elle me l'avait dit à l'occasion. Mais je ne la voyais pas manger. C'est bizarre, je te vois jamais manger. Est-ce qu'un alcoolique, tu le vois boire, toi ? Non. Ça, je comptais assez d'alcooliques dans ma famille pour le savoir. Il y a un drogué ? Tu le vois drogué ? Non plus, c'est vrai, c'est vrai. Un mal boulimique, c'est pareil. Tu vois, c'est difficile à prendre la main dans le sac. Faut savoir déduire. J'ai acquiescé. Quand on veut se mêler de la vie des gens, on peut s'épargner les questions. Il suffit de regarder et d'attendre. Tout le monde finit par se répandre un jour, pour peu qu'on le considère avec suffisamment de compassion. Nous étions mardi soir. Jean-François passait chercher ses enfants. Oh, ton chien ! Excuse-moi. Ça va ? Ouais, ça va, tu peux dîner ici si tu veux, je vais te faire les courses. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît ! Dans les multiples avantages qu'il y a à se séparer pour la vie de quelqu'un qu'on a aimé pour la vie, je compte celui de pouvoir l'inviter à dîner le soir, à l'impromptu. Après le dîner, Jean-François nous a fait une démonstration d'ombre chinoise. Il s'est placé de profil et il a dessiné sur le mur blanc de la salle à manger des figures simples que les enfants identifiaient en trépignant. Je les ai admirées. Il parvenait à établir de subtiles différences entre les tremblantes esquisses que je prenais toutes peu ou prou pour des reflets de lapin. Puis, Gaspard s'est levé de table. Je vais faire des imitations, vous allez trouver qui c'est. Olivia et Jean-François ont tourné leur siège vers lui, plein d'approbation. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai croisé les bras, rempli d'une certaine anxiété. J'ai horreur du spectacle. Gaspard a laissé de côté son visage ordinaire, rêveur et lointain, son regard absent. Il a pris les yeux avides, le sourire vif, l'allure canaille. Il roulait les épaules en feignant de mâcher un énorme chewing-gum. T'inquiète pas. Moi aussi, j'en ai eu des mauvaises notes. Olivia, attends, laisse les autres chercher un peu. T'es pas obligé d'en parler à ta mère. T'as qu'à attendre le bulletin. On dira rien, Suzanne. On dira rien. Les profs, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux enfants. Oh, dis ça, toi. Tiens, on va passer à la boulangerie. Ça nous consolera. Oui, ça, c'est Olivia, c'est sûr. C'est maman qui a gagné. Bah, et moi, alors ? Toi, ça compte pas, c'est trop facile. Allez, une autre. Bon, mais dépêche-toi, hein, il est déjà 9h15. Gaspard a enfoncé ses poings dans ses poches. Il a voûté ses épaules étroites et incliné le visage vers le sol. Je suis vannée, j'ai bossé toute la journée et c'est pas fini. Salut les enfants, pas de problème à l'école ? Je pensais à vous, je vous ai acheté des cadeaux, des livres, plein de livres, avec pas une seule image dedans. C'est chouette, hein ? Vous pourriez au moins dire merci. Allez, faites un effort, quoi. Soyez sympa. C'est ta mère. Bravo. C'est à cause des livres que j'ai deviné là quand elle dit qu'elle a porté les cadeaux. Bon, allez, on y va maintenant. Attends, juste une dernière. Regardez-moi. Salut, mon gars. Mais qu'est-ce que c'est que les fils qui pendouillent de tes chaussures ? Allez, tout le monde s'assoit, on refait ses lacets. Tout de suite. Et plus vite que ça. Et si vous êtes sage, je vous emmène au salon des arts martiaux. Oui, ben je sais. C'est moi. C'est à cause des arts martiaux que t'as trouvé ? Non, à cause des lacets. Allez, prenez vos sacs et on y va. Bien, Jean-François et toi. Ouais. Enfin, vous disputez pas. Non. Alors. Alors quoi? Alors rien. Je savais bien ce qui la contrariait. Avec un peu de retard sur l'événement, elle déplorait à son tour que le couple se soit défait. J'avais l'habitude de la déploration. Je comprenais la nostalgie. Excuse-moi de te poser la question, mais pourquoi vous êtes séparés ? vous avez l'air d'être bien ensemble. J'ai opté pour la feinte. Eh ben, je peux pas épouser tous les gens avec lesquels je me sens bien. Non, ça serait pas légal. Tu veux pas me répondre? Peut-être que je veux pas, peut-être que je peux pas. Excuse-moi, je voulais pas t'embêter. Non, y a pas de mal. Mais je mentirais si je prétendais te donner une raison qui explique pourquoi on se sépare un jour d'un homme qu'on connaît depuis 20 ans. Bah, peut-être qu'il y a plusieurs raisons, alors. À ce stade, ce sont plus des raisons. Mais tu réponds jamais à mes questions. Mais qu'est-ce que tu veux, à la fin? Tu veux une phrase définitive pour te clouer le bec? Oui. Ouais, bah attends, je vais t'en donner une. Vas-y. Nous nous sommes séparés le jour où j'ai pensé que j'allais mourir si nous restions ensemble. Je me suis aussitôt détestée pour ma grandiloquence. J'aurais mieux fait de lui donner des griefs. J'avais pas à chercher longtemps. Quel que soit le mal qu'on se donne pour renouveler le genre, les griefs poussent sur la vie conjugale comme les champignons sur l'humidité. On peut toujours les ramasser et se les servir en omelette. À condition de se baisser, de fouiller dans la boue, et de risquer l'empoisonnement. Mais Olivia a hoché la tête. Elle était satisfaite de ma réponse. Tu vois que t'en avais une de raison. Je savais bien, moi, que t'étais pas du genre à faire les choses à la légère. J'aurais aimé parler avec Olivia. Encore. Toute la nuit, si elle le voulait. Mais elle a regardé sa montre et elle est allée ouvrir la fenêtre. J'attends quelqu'un. Par ce temps. Elle est revenue s'asseoir. Elle a sorti de son sac une trousse de maquillage. Je peux prendre la salle de bain 5 minutes? Bah oui, bien sûr, t'es chez toi ici. Je suis allée dans ma chambre chercher l'ordinateur. Sur mon bureau, dans une chemise grise, 200 feuillets tombaient du stylo d'un homme politique. Il avait probablement travaillé la nuit ou très tôt le matin, rassemblant des velléités anciennes, bricolant de nouveaux chapitres, liant le tout grossièrement, accumulant à la fin des photocopies de documents qu'il n'avait pas eu le temps de concasser. Il s'agissait de réécrire ce fatras, non pour lui donner un sens, mais pour l'habiller d'une forme qui simule la pensée. Je tenais le boulot d'un collègue qui avait beaucoup de clients et peu de temps. Nègre de nègre, je touchais 3000 euros. Trois petits paquets de 1000 au fur et à mesure de l'avancée du boulot. De la main à la main, sans déplacement. Exactement le type de travail qu'on peut faire la nuit, quand tout le monde dort. Comment tu me trouves ? Olivia est réapparue, les lèvres brunes et laquées, les pommettes roses, les yeux agrandis par un camaïeu de teintes violettes et pailletées. J'ai été ébahie et brièvement jalouse. Je ne sais pas me maquiller. T'es superbe. J'y vais. À demain. Je ne lui ai pas demandé qui elle allait retrouver dans la nuit, en dépit de la pluie de novembre, elle qui jurait ses grands dieux qu'elle ne voulait plus mettre le nez dehors. Je n'étais pas d'humeur à gober ses mensonges. J'étais pas très contente non plus de son ingratitude et de la solitude qui était la mienne maintenant qu'elle m'avait plantée là, sans le moindre remords, sans me demander si je n'avais pas de peine à la voir partir ainsi, ni ce que je ferais une fois qu'elle n'était plus là. Salut, c'est Patrick, je suis pas joignable pour le moment. Vous pouvez me laisser un message. A plus. Depuis plus de 2 ans que nous nous retrouvions pour des rendez-vous coquins, Patrick n'avait pas appris grand-chose de ma vie financière, ni de ma vie familiale, ni de ma vie passée. Mais je ne me trouvais pas désavouée par son ignorance persévérante. Ouais, Patrick, c'est moi. Je travaille et j'aurais bien aimé t'entendre un peu. Tu dois être occupée. Ou alors t'es dans les transports et le réseau passe pas. C'est pas grave. Hein. Appelle-moi quand t'auras ce message. Même tard, pas de problème, je garde mon téléphone près de moi de toute façon. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. Je ne le voyais qu'aux heures libres où je n'avais plus à répondre de ce qui faisait ma vie. Nous parlions peu. Il n'attendait rien d'autre qu'un pantalon bien porté et une certaine aisance à l'enlever, ce pantalon, un peu plus tard dans la soirée. Dans le capharnaüm épuisé de mon existence, il proposait le divertissement, le restaurant, l'hôtel, le rouge à lèvres. Et un peu d'activité physique quand je n'avais de temps ni pour la piscine ni pour les barres au sol. Le problème devait naître de mon intempérance. Vint un temps où je voulus être divertie quand il me plairait, voire à longueur de vie. Et là, nos points de vue se sont mis à diverger à toute vitesse. Je me suis couchée au petit matin quand mes yeux commençaient à pétiller contre l'écran gris de mon ordinateur. Patrick n'avait pas rappelé, évidemment. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet et je me suis enroulée dans la couette. Pour m'endormir, j'ai pensé qu'il allait m'appeler. Sans doute avait-il travaillé très tard dans la nuit, lui aussi. Il serait surpris et peut-être heureux de mon message. Les mensonges auto-administrés ne me font pas peur. Quand il s'agit de dormir, je suis pour une morale de l'efficacité. Mon amour, ai-je donc pensé ? Mais je n'ai pas pensé longtemps. J'ai sombré dans un sommeil profond, uni par l'esprit à un homme qui ne m'aimait pas. Du tout. These days, I just walk with you. Sans moi. Un roman de Marie Desplechin, publié aux éditions de L'Olivier. Adaptation, Catel Guillot. Troisième épisode. Avec Marie Payen, Judith Chemla, Teresa Ovidio, Yann Tassin, Éric Caruso, Laurent Dolz, Madeleine Ziadé, Ambroise Maran et Lucas Enaf. Bruitage, Sophie Bissons. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier.